Fabienne, Katharina et Patricia dans la salle à manger, Loïc caché dans le couloir. Ah, incroyable! Quel malheur! Oh, quelle catastrophe! Oh, Fabienne, qu'est-ce qui se passe? Oh non, incroyable! Je ne comprends pas. Loïc, notre cher ami, décida de quitter la colocation. Notre cher ami nous abandonnera? Hélas, notre pauvre ami, son travail l'oblige de quitter la ville. Nos chemins se séparent. Es-tu sûre? Oui, malheureusement. J'étais la première à connaître ce malheur. Dieu merci! Enfin, la terreur est finie. Plus de souffrance, aux libertés. Mais Fabienne, comme t'es bête d'être en deuil. Je pensais, Patricia, qu'il fallait pleurer. Ne sois pas triste. Son départ n'est point une perte. Ses contributions à la colocation ne point dépassèrent le minimum. Jamais rien aidé, ni la vaisselle, ni le linge. Désordre permanent. Ses amis dégoûtants, disputent sans arrêt. Comme t'es gentil. Fabienne, il faut que tu m'aides. Tes affaires valent combien au marché? Il faut les cacher tout de suite. Laissons-lui pas d'occasion de les prendre avec soi. Quelle chance que personne n'est au courant de son départ. Doucement! Oh, tu es ici? Oui, Patricia. C'est ça que tu penses de moi? Oh, Loïc est toujours là. Quelle belle surprise! Il n'est pas encore parti. Jamais n'aurais-je cru que tu puisses me trahir d'une façon si monstrueuse. Scène 8. Le soir, Katharina et Fabienne se rencontrent dans la cuisine. Oh, mais non. Quelle journée. Quel choc pour mon âme. Qu'est-ce qui te prend, Fabienne? Es-tu fâchée? Mon Dieu, j'ai des nouvelles catastrophiques à te donner. Ah oui? Dis-moi. Loïc quitte la colocation. Loïc déménage, Fabienne? Oui, regarde sa chambre. Il commença à remplir des caisses avant, quand la motivation lui a pris. Oh, quel désastre! Quel non-sens! Mon cœur, il saigne. Quelle douleur incontournable! La colocation ne sera jamais plus ce qu'elle était.